Il pleut sur la terre ce vendredi. Voilà, c'est fini. Il pleure dans mon cœur sans parapluie. Ça y est, George est parti. Sa guitare ne pleura plus sans lui. Un scarabée. Chanter.